Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Marcel Ouimet, les yeux et les oreilles du Canada français durant la Seconde Guerre mondiale. Je me suis ennuyé par moments, inévitablement, de ma fille, de ma femme, de mes parents, mais seulement, c'était le summum du journalisme dans le temps. Je pense que l'expérience que nous avons eue comme correspondant de guerre est sans égale. Marcel Ouimet, correspondant de guerre pour Radio-Canada durant la Seconde Guerre mondiale. Cet extrait que vous venez d'entendre est tiré d'une entrevue qu'il accorde dans le cadre de la série « Si la radio m'était comptée », une série diffusée en 1980, de la campagne d'Italie en 1943 à la capitulation de l'Allemagne nazie en mai 1945, en passant par le débarquement de Normandie en juin 1944. Marcel Ouimet est en quelque sorte partout où ça compte durant la Seconde Guerre mondiale. Il va produire 200 reportages durant ces 18 mois qu'il passe, pour ainsi dire, sur la ligne de front. Son reportage « Le jour du débarquement » figure parmi les 5 premiers diffusés dans le monde et il s'agirait du tout premier récit du fameux jour J à avoir été diffusé en français. For 106 from Marcel Ouimet in Germany for the Canadian Broadcasting Corporation, July the 5th, 1945, censored by 118 Graham. I'll read the dispatch in 5 seconds from now. Ici Marcel Ouimet de Radio-Canada qui vous parle de Berlin. C'est la conclusion, la fin, le dénouement d'un grand voyage que cette entrée symbolique des Alliés dans la capitale du plus grand Reich. Pour quelques-uns de nos officiers soldats qui sont venus depuis les plages de Paquino en Sicile, pour d'autres qui sont venus à pied d'œuvre de Normandie et pour qui le débarquement n'est plus déjà qu'un lointain souvenir, et pour 2 ou 3 fusillés Mont-Royal qui reçurent leur baptême du feu à Dieppe. Ils sont dans Berlin. Pendant 3 semaines, ils vont avoir la liberté de déambuler dans la capitale, de visiter ce qui reste du centre de la ville, de rester stupéfait devant ses décombres. Car tout ce que le régime a légué au peuple qui crut en lui, ce sont des ruines. Il n'y a plus un immeuble habitable dans le centre. Ce que les flammes n'ont pas consumé, les explosifs ont disloqué. Les ministères, les temples, les grands magasins, les ambassades, les monuments portent tous la marque indélébile des raids de l'aviation alliée. Car Berlin est morte. 2 millions d'habitants y sont peut-être encore, comme le disent nos alliés russes, mais ils ne vivent pas, ils existent. Et pour ceux que nous avions vus hier dans la banlieue beaucoup moins touchée et qui souriaient, combien de centaines avons-nous croisé aujourd'hui, le regard morne, sombre, encore comme frappé de stupeur? C'est un extrait du reportage que Marcel Ouimet envoie à partir de Berlin le 5 juillet 1945 que vous venez d'entendre pour nous raconter le formidable travail que va accomplir Marcel Ouimet durant la Seconde Guerre mondiale. Je reçois Aimé-Jules Bizimana. Il est professeur au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Il a écrit un livre, le livre de Marcel Ouimet à René Lévesque, les correspondants de guerre canadiens-français durant la Deuxième Guerre mondiale. Aimé-Jules Bizimana, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Alors, quelle place il occupe, Aimé-Jules Bizimana, notre ami Marcel Ouimet, sur cette grande photo de famille des correspondants de guerre du Canada français, pour reprendre le titre de votre livre? Marcel Ouimet occupe une place très importante, ayant été témoin privilégié de la Deuxième Guerre mondiale. Il a assisté et raconté tous les grands événements du conflit, de l'Italie à Berlin en passant par la Normandie. Je dirais que Marcel Ouimet, c'était la voix du Canada français pendant la guerre. Les francophones ont pu suivre les faits d'armes des régiments canadiens français grâce à son travail remarquable, sans oublier bien sûr d'autres collègues francophones qui ont été avant lui ou qui étaient avec lui. Mais il est dans une classe à part, car c'est l'un des rares francophones qui était sur le terrain, très près des combats, pour une longue période de temps, et il faut souligner, dans un métier dominé par les grandes figures américaines et britanniques du journalisme de guerre. Oui, donc l'importance d'avoir une antenne sur le terrain qui nous parle dans notre langue et avec nos codes, c'est ça aussi qu'a fait Marcel Ouimet durant ses années de guerre. Vous déplorez d'ailleurs dans votre livre, Aimé-Jules Bizimana, qu'on connaisse peu ou pas du tout des noms comme celui de Marcel Ouimet, comme les autres correspondants de guerre canadiens-français durant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ce serait important qu'on les connaisse mieux, qu'on parle d'eux dans nos écoles, par exemple? Parce que les correspondants ont joué un rôle crucial dans la publicisation de l'effort de guerre au Québec et au Canada, le journalisme de guerre étant le trait d'union entre les soldats qui étaient au front et le public qui était à la maison, je rappellerai qu'au moment du débarquement de Dieppe en 1942, aucun journaliste francophone n'avait été accrédité malgré la présence des fusiliers Mont-Royal. Et c'est un événement, on le sait, qui a eu un grand retentissement au Canada. L'équipe de Marcel Huimet, qui sera dépêchée en 1943, va changer la donne en racontant les histoires des soldats canadiens-français. Et pour le public francophone, c'était un lien vital. Oui. Ce n'était pas d'ailleurs rare que les familles appellent la station de Radio-Canada à Montréal pour remercier Marcel Huimet d'avoir fait parler l'un des leurs. Je crois donc que ce rôle de témoin et de caisse de résonance du journalisme de guerre devrait être plus connu et enseigné dans les écoles. Oui. Et ce qui fait aussi qu'on a retenu le nom de Marcel Huimet, enfin, minimalement en tout cas, mais ce qui fait qu'il a marqué l'histoire du journalisme chez nous et du journalisme de guerre, c'est aussi la manière dont il pratiquait ce journalisme. Et ça nous amène bien sûr à parler de son style. Et la meilleure façon de décrire ce style, c'est encore de l'écouter. Ici Marcel Huimet de Radio-Canada qui vous parle de France. Elles étaient en tout une soixantaine, jeunes pour la plupart, élégantes dans leurs uniformes kaki, ayant conservé, malgré l'entraînement et la vie militaire, la grâce et le charme de la française. Et elles défilaient dans une petite ville de Normandie, les premières françaises après une, deux et même trois et quatre années, à revenir sur le sol de France. Il y a une grande humilité, c'est-à-dire qu'il est très humble, il ne se met pas en avant, il pense avant tout aux soldats qui ont risqué leur vie pour libérer la France. Il pense aussi aux civils qui paient le prix, comme il dit, qui paient le prix fort de ces combats, de ces bombardements, de cette libération de la France et de l'Europe. Donc humilité. Également, au-delà de mettre en avant tout ça, je trouve aussi qu'il a un regard très pointu sur l'être humain. Il a toujours envie de raconter ce que la personne en face de lui vie, donc une grande empathie. Les habitants de la Calabre semblent plus prospères que ceux de la Sicile, même si beaucoup d'enfants et de citoyens âgés sont aussi pieds nus et en haillons. Du point de vue santé, ils ont aussi meilleure mine. Leur sol fertile leur fournit des légumes et des fruits en assez grande quantité, mais ce qui leur manque, ce sont des œufs et de la viande. Ils aiment beaucoup les biscuits, ces biscuits durs faits de blé que les soldats canadiens reçoivent avec leurs rations. Il y a si longtemps qu'ils n'ont mangé de pain fait avec du blé qu'ils font leur joie de ces biscuits pourtant assez difficiles à mastiquer. C'est le journaliste et historien français Jean-Baptiste Patier qui a consacré un livre à Marcel Huimet que vous entendiez entre deux extraits de reportage de Marcel Huimet. Comment décrire ce style, cette écriture, cette sensibilité particulière de Marcel Huimet? Comme tous les grands journalistes, Marcel Huimet avait une écriture et une prose, je dirais, très alerte et très imagée. C'est un style de reportage que je qualifierais de factuel, vivant et réaliste. Parce que dans le grondement des canons, Marcel Huimet n'oublie pas l'humain qui souffre dans une guerre terrible. Et à cet égard-là, ses reportages traduisent les sentiments des soldats au front, loin de leur famille, mais aussi les aspirations et les espoirs des civils qui subissent la guerre. Je me rappelle en Normandie où on sentait un équilibre précaire entre la colère suscitée par la dévastation chez les habitants, mais aussi le sentiment sincère de soulagement après la libération. Le style Marcel Huimet, c'est donc une précision factuelle, une belle langue et une sensibilité humaine. Oui. Avant d'aller plus loin dans le parcours de Marcel Huimet, le correspondant de guerre dont vous venez de nous parler brillamment, un petit mot sur sa jeunesse, ses années de formation également. Que dire du Marcel Huimet d'avant la Seconde Guerre mondiale, Émile-Jules Bizimana? Marcel Huimet est né à Montréal le 9 janvier 1915, mais il a grandi à Ottawa où travaillait son père. Il a fait ses études à l'Université d'Ottawa et il a commencé sa carrière journalistique au journal Le Droit en 1934. Il a fait une année de formation en journalisme à Paris en 1937 avant de revenir au droit et fait de la radio à ce moment-là aussi au poste CKCH de Hall. Mais son aventure avec Radio-Canada commence en avril 1939, quand il est engagé comme annonceur bilingue et devient très rapidement d'ailleurs le chef du service des nouvelles à la fois au réseau français CBF et au réseau anglais CBM. Mais quand commence la Deuxième Guerre mondiale, en septembre, il faut dire que la salle des nouvelles de Radio-Canada est encore très rudimentaire. Ouais. Les journalistes ne faisaient que la traduction des dépêches de la presse canadienne, qui étaient livrées par un messager à bicyclette. Il n'y avait pas encore de téléscripteur. Donc, couvrir la guerre représente un très grand défi. Mais rapidement, la direction de la Société Radio-Canada va décider de se doter d'un véritable service d'information national dans les grandes villes qui va débuter le 1er janvier 1941. Et c'est Marcel Huimet, à juste 26 ans, qui va diriger ce service d'information au réseau français à Montréal. Et il en deviendra certainement une figure marquante. Ouais. En fait, on peut probablement dire que la guerre précipite, au fond, la mise sur pied d'un service d'information, entre guillemets, digne de ce nom, puisque on le voit bien en vous écoutant, c'est vraiment, il est là, Marcel Huimet, au tout début de ce que sera d'abord la radio de Radio-Canada, puis la télé viendra plus tard. Revenons à sa couverture lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour ce qui est du terrain, en tout cas, c'est vraiment avec la campagne d'Italie. Il arrive un peu plus tôt, il est posté à Londres, mais c'est vraiment quand il part en Italie qu'il commence véritablement sa couverture terrain. Parlez-nous de cette série de reportages, dont on a entendu un extrait d'ailleurs il y a un instant, qu'il va produire en Italie autour de l'automne de 1943. Vous avez raison, la campagne d'Italie en 1943 consacre les débuts de Marcel Huimet comme correspondant de guerre avec des reportages très percutants. Il vient tout juste d'arriver en Europe en compagnie de Benoît Lafleur et Paul Barrette pour Radio-Canada. Et on rappellera qu'après les ratés de Dieppe, l'armée canadienne a cette fois-ci mieux planifié la couverture médiatique et les correspondants de guerre anglophones et francophones sont dûment accrédités parce que leur travail est considéré utile à l'effort de guerre. Et on précisera que les correspondants étaient aussi encadrés par le détachement des relations publiques de l'armée canadienne qui s'occupait de l'intendance, de la censure et de la transmission des reportages. Et les troupes canadiennes vont jouer un rôle important dans la campagne d'Italie. Mmh. Et Marcel Huimet est aux premières loges pour raconter leurs exploits dans les grandes batailles, entre autres sur les rivières Sangro et Moro, ou encore la grande bataille d'Ortona. Marcel Huimet dira que les montagnes italiennes offraient les conditions idéales pour le reportage de guerre. Il a réalisé d'ailleurs son reportage le plus célèbre à San Marco, où il avait trouvé un point d'observation au milieu. Les Canadiens sont d'un côté, les Allemands sont de l'autre, et il décrivait l'affrontement. Ce reportage-là a été diffusé par la BBC à Londres et par d'autres radios à New York. Et grâce à Huimet et à ses autres collègues, Radio-Canada va offrir une couverture robuste de la campagne d'Italie. Cela dit, ce n'est pas simple de faire ce genre de journalisme sur le front, du journalisme terrain à cette époque-là. Parlez-nous de ça. Dans quelles conditions travaille très concrètement Marcel Huimet? Je dirais des conditions difficiles, mais convenables. Sur le terrain, les correspondants vivaient dans un camp de presse aménagé souvent dans des châteaux réquisitionnés et se déplacent dans des jeeps militaires avec leurs officiers accompagnateurs. Il n'était pas rare que les correspondants dorment à la Belle Étoile, et c'est bien sûr un métier très risqué, car ils subissaient les torpillages en mer, les bombardements sur terre, les tirs de snipers, les maladies et j'en passe. Et vu le nombre d'incidents dans lesquels Marcel Huimet a été impliqué de près ou de loin, il a d'ailleurs été blessé en Italie, il est évident qu'il a été chanceux de revenir sain et sauf de la guerre. Et sur le plan technique, les correspondants avaient à leur disposition un camion d'enregistrement et un équipement portatif qui leur permettait de capter les sons de la guerre. C'était un camion aménagé et transformé, équipé de tables tournantes pour enregistrer des disques de 78 tours. Et la captation des sons près des combats permettait des reportages très réalistes et très saisissants. Et Marcel Huimet a eu un rayonnement national et international grâce à ce type d'enregistrement qui était fait par ses collègues techniciens sur le front, ouais. Qui n'arrêtaient pas d'ailleurs de remercier. Mais reproduire les sons de la guerre, c'était quand même une entreprise très difficile en raison de la sensibilité de l'équipement et des conditions topographiques ou météorologiques du moment. Mais Marcel Humet dira plus tard que la complexité technique de la captation sonore devait être compensée par la qualité de la description et de la voix. Ouais. Mais on le comprend bien avec nos yeux d'aujourd'hui, en plus, où vraiment on travaille avec de l'équipement très, très léger, portatif. On est dans un autre monde, bonne qualité sonore, mais une lourdeur certainement de l'équipement. Vous disiez qu'il va contribuer, bien sûr, à la qualité du journalisme qui se fera durant la Seconde Guerre mondiale, qu'il sera le témoin d'événements importants, puis évidemment, peut-être le plus important, ce débarquement en Normandie en juin 1944. Et Marcel Humet, bien sûr, est du voyage. Nous nous rapprochons constamment de la côte. Et bientôt, il nous est possible de reconnaître les églises, le brise-lames, tout ce qui se trouvait clairement indiqué sur nos cartes. C'est à ce moment que les petites embarcations de débarquement nous dépassent. Elles transportent les troupes d'assaut massées, l'arme au bras, coiffées de leurs casques d'acier, et ne portant que le strict nécessaire, leurs masques à gaz, des rations pour 24 heures, leurs gamelles, leurs pansements de premier secours. Les soldats n'ont pas eu de clairon pour sonner la charge, mais comment décanasse simultanément sur deux plages. L'une, mer, un petit endroit balnéaire, s'étend devant nous. C'est tout juste si les batricotières allemandes ont tiré quelques obus. La sensation est toujours. Puis, c'est le débarquement précédé d'une autre préparation d'artillerie et du lancement de centaines d'obus fusées, des embarcations spécialement munies des protecteurs de ces engins. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il arrive entre 9h30 et 10h du matin, dans la deuxième vague d'assaut. Il débarque avec une marée déjà qui a bien avancé, l'eau jusqu'à la ceinture, il saute de la barge d'assaut, il prend sa machine à écrire sur l'épaule et à bout de bras pour ne pas que l'eau, évidemment, endommage sa machine à écrire, et il avance. Une fumée grise et noire commence à envelopper le village et quelques maisons sont en feu au moment où le premier soldat se précipite sur la plage. Ça y est, l'attaque est commencée et elle couronne à cette heure même le travail formidable exécuté depuis plusieurs mois en vue de cette seule minute, des préparatifs inimaginables. Extrait du récit qu'a fait Marcel Humet du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Vous entendiez également à nouveau le journaliste et historien français Jean-Baptiste Patier dans une entrevue qu'il a accordée à Jean-François Bélanger pour un reportage diffusé au Téléjournal en juin 2019 dans cet extrait. Donc, quand les Alliés débarquent, Aimé-Jules Bizimana, en Normandie, en juin 1944, Marcel Humet, bien sûr, est du voyage. Comment ça se passe, cet épisode du débarquement, mais cette campagne de Normandie qui va suivre également? Alors, Marcel Humet, le 6 juin 1944, est l'un des 9 correspondants canadiens qui accompagnent les navires alliés. Et il débarque l'eau à la hanche sur la plage de Bernières-sur-Mer avec le régiment de la Chaudière. Il est alors témoin d'une rencontre extraordinaire entre les soldats canadiens français qui avaient trop attendu ce moment-là en Angleterre et les Normands qui étaient assommés par une nuit de bombardement mais qui étaient très ravis d'être libérés et qui plus est par des soldats qui parlaient français. Les reportages de Marcel Humet en Normandie transmettent cette connexion poignante et une profonde émotion dans l'un des plus grands événements de l'histoire. 3 jours après le débarquement, Humet se trouve à Bayeux, qu'il appelle la petite coquette ville, où il voit le général de Gaulle demander aux Bayeuxins d'entonner la Marseillaise. Et par la suite, Humet va couvrir une succession incessante de libérations de villes françaises. En juillet, c'est la libération de Caen. En voyant les ruines dans la ville, Marcel Humet parle de Caen, la ville martyre. C'est l'un de ses plus beaux reportages. Et il faut souligner, bien sûr, la valeur historique des reportages de Marcel Humet au débarquement, parce qu'il a été le seul correspondant francophone à être officiellement accrédité. Et à ce titre-là, ses témoignages sont d'une grande valeur patrimoniale. Oui. Parler de la Marseillaise dans un instant, ça va faire partie, ce chant de la Marseillaise, chanté par ces Français qui sont libérés, ça va faire partie du reportage que va envoyer au Canada Marcel Humet au moment de la libération de Paris en août 1944. L'accueil des populations parisiennes a été tellement fantastique. La joie du peuple, une véritable explosion. 4 ans et 2 mois qu'il attendait de ne plus entendre le pas cadencé des troupes hitlériennes et l'entrée des alliés. Sa joie, le peuple parisien lui a donné une forme à peu près indescriptible. De bonne heure, la population avait quitté ses maisons pour acclamer tous ceux qui passaient. Jamais je n'ai vu Paris vibrer avec autant d'enthousiasme, même le 14 juillet. Et pourtant, c'était au son du canon et des mitrailleuses que la ville fêtait, dans une immense allégresse, sa liberté reconquise, malgré ses barricades et malgré ses barbelés. Aux armes, citoyens, prenez vos bataillons, marchons, marchons, la Donc cette libération de Paris, bien sûr, c'est un des moments forts du récit de cette Seconde Guerre mondiale à l'été 1944. Que représente, et ça a une importance particulière aussi pour Marcel Ouimet, qu'est-ce que ça représente pour lui, ce moment précis, Aimé-Jules Bizimana? La libération de Paris, le 25 août 1944, c'est l'apothéose de la campagne de France. Marcel Ouimet se trouve avec les plus grands correspondants alliés, Ernest Hemingway, Ernie Pyle et les autres qui suivent les convois de la 2e division du général Leclerc. On connaît ces images célèbres des Parisiens qui accueillent et embrassent les libérateurs. Marcel Ouimet est au cœur de cette énorme explosion, comme on l'entendait, dans Paris libéré, qui vibre sous les chants et les acclamations. Et le soir de la libération, Ouimet et les autres correspondants vont passer la nuit à l'hôtel Scribe qui avait été réquisitionné par le détachement des relations publiques. Et du haut de son balcon, il assiste à des scènes de liesse incroyables. Et lui et ses collègues sont eux-mêmes acclamés en héros par une foule qui est venue témoigner sa gratitude aux forces alliées. C'est un moment très particulier pour Marcel Ouimet, qui avait très bien connu Paris avant la guerre en 1937 comme étudiant en journalisme à l'École des hautes études sociales sur la rue Sorbonne. Donc, les reportages de Ouimet à la libération de Paris témoignent de cette vive et immense émotion à la fois personnelle et collective. Ouais. Un mot en terminant cette émission, le temps file rapidement. Aimé-Jules Bizimana, un mot pour nous parler de ce que devient Marcel Ouimet à son retour au Canada après la guerre. À son retour, Marcel Ouimet a occupé le poste de directeur des causeries et des émissions d'affaires publiques avant de devenir en 1947 le directeur du réseau français à Montréal. Et plus tard, Ouimet sera nommé vice-président et directeur général de la Société Radio-Canada. Et dans son rôle de gestionnaire, il est devenu l'un des artisans du développement de la radiodiffusion de langue française. On peut citer notamment la contribution à la création du poste francophone de Moncton au Nouveau-Brunswick et à l'établissement des postes francophones dans l'ouest du pays. Ouimet se fera aussi le défenseur d'une langue française bien parlée en ondes, comme il savait très bien le faire. Il va prendre sa retraite en 75 et il va mourir à l'âge de 70 ans en 85. On peut certainement dire que l'histoire de Marcel Ouimet, c'est l'histoire de Radio-Canada. Et grâce à son talent exceptionnel et à ses qualités, Marcel Ouimet a laissé un héritage très riche comme pionnier du journalisme de guerre canadien international, mais également comme bâtisseur de la radiodiffusion au Canada. Aimé-Jules Bizimana, professeur au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais, ça a été un bonheur de vous recevoir à ce micro. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.